Voilà le marais qu'il vous faudra traverser, les amis. Oh là là, Nabu, cet endroit me paraît lugubre. Samson, n'y a-t-il aucun autre chemin ? Hélas, non. Si vous voulez trouver de quoi vous confectionner un solide radeau, il vous faudra passer par le marais. C'est le seul et unique passage. Mais dis-moi, Samson, quelles sont donc ces légendes étranges dont parlait ton chef ? À vrai dire, ce marais n'a pas une bonne réputation. Tous ceux qui s'y sont aventurés, dit-on, ne sont jamais revenus. Une rumeur raconte que ce marécage serait habité par une créature monstrueuse. Mais alors, nous sommes perdus ! Oh, vous savez, tout ceci n'est peut-être qu'une fable inventée par des couards. Nous autres fourmis n'avons peur de rien. Ce n'est pas ceci qui me fera rebrousser chemin. Puisque nous devons absolument passer par là, allons-y. D'un pas moins assuré, les trois amis descendent la colline, se dirigeant vers les marécages inhospitaliers d'où se dégage maintenant une odeur nauséabonde. Pénétrant dans le marais, le brouillard aussitôt les entoure, les plongeant dans une semi-obscurité malsaine. J'ai peur, Nabus. On n'y voit presque rien avec cette brume. Tu as raison. Je n'aimerais pas me perdre dans ce maudit marécage. Ne vous inquiétez pas et donnons-nous la main. Cela nous évitera de désagréables surprises. Vous voyez le sentier à nos pieds ? Ne le perdez pas de vue et surtout, ne vous en écartez pas. Avançons avec précaution. Il s'enfonce de plus en plus dans cette nature hostile, suivant un petit chemin entouré de bizarres plantes jaunâtres. Oh, regardez ces jolies plantes! Elles ont choisi un drôle d'endroit pour pousser. Attention! Surtout ne les touchez pas, ce sont des irritatus. Elles possèdent un terrible effet urticant. Un effet urticant? Oui. Malheur à celui qui aura l'imprudence de les cueillir, car elles provoquent d'horribles démangeaisons qui peuvent conduire jusqu'à la mort, ou tout au moins à la folie. Seuls nous, peuple des fourmis, pouvons les toucher, car nous sommes immunisés contre leur poison. Alors ne vous en approchez surtout pas. Eh bien, heureusement que tu es là, Samson, car je crois que ma faiblesse envers les jolies plantes m'aurait cette fois-ci été fatale. Bon, allez, assez perdu de temps, continuons. Oh, mais regardez là-bas, on dirait une lueur. Allons voir. Nos amis s'en approchent et aperçoivent la clarté d'un feu. Avançant doucement, ils arrivent dans une large étendue de terre ferme. Des flammes s'échappant d'un feu éclairent cet espace dénudé, et nos amis découvrent avec stupeur la présence d'un petit bonhomme, assis sur une grosse pierre, gémissant. Oh là là, comment vais-je faire ? C'est impossible, je n'y arriverai jamais. Bonjour, monsieur. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Je me nomme Mirette et voici Samson et Nabus. Et vous, quel est votre nom ? je dois pêcher poisson en quantité pour Chargal, ce tyran. Monstre froid et méchant, il est loin le bon temps, car hélas cet étang n'est plus abondant maintenant. Ici, nous cherchons à traverser le marais pour rejoindre l'autre bout de l'île. Mais vous êtes donc inconscient? Savez-vous qui habite ce lieu sinistre? Non. Mais c'est Chargal! C'est une créature abominable qui règne en maître sur cette contrée lugubre. Il vit dans une grotte en bordure du sentier, un peu plus loin. Jamais il ne vous laissera passer. Ainsi c'était donc vrai! La rumeur était bien fondée! Mais vous, Gnor, que faites-vous donc par ici? Oh, c'est une triste histoire. Il y a longtemps de cela, j'habitais dans une jolie cabane à l'autre bout de l'île où je vivais heureux avec ma femme, Gnora. Tous les jours, je partais à la pêche et je ramenais bien souvent de gros poissons. Puis un jour, je décidai d'explorer l'île et découvrir ce marécage. Y voyant un coin de pêche fabuleux, je jugeais bon d'y revenir. Gnora, ce jour-là, décida de m'accompagner. Hélas, trois fois hélas, nous tombâmes sur Chargal. Celui-ci, depuis, retient ma femme prisonnière dans sa grotte et m'oblige à lui ramener chaque jour une grosse quantité de poissons. Oh, au début, tout allait bien. Le marais était en effet très poissonneux. Mais depuis quelque temps, les poissons se font rares et Chargal menace de dévorer ma femme si je n'en trouve pas plus. Pauvre Gnor, comme vous devez être malheureux. Oh, ne m'en parlez pas. Aujourd'hui, je n'ai pêché qu'un seul poisson et Chargal va bientôt arriver. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Chut! Écoutez, il me semble entendre des pas. C'est Chargal! Vite, courez vous cacher! Samson et Mirette vont se blottir dans une vieille souche d'arbres, tandis que Nimbus se réfugie derrière les branchages. Mais voici qu'apparaît soudain Chargal, le monstre des marais. Son corps est recouvert d'écailles verdâtres, ses pattes sont griffues, et il possède une longue queue hérissée d'aiguillons acérés. De son museau allongé s'échappent deux grandes dents pointues. Eh bien, lutin, as-tu ramené quantité de poissons aujourd'hui? Mon estomac a grand faim. C'est-à-dire que... Quoi? Tu oses te présenter à moi sans nourriture et tu te fais du faux. Pense à ta femme, Gnor. Tu sais très bien que si je mange pas ma ration de poissons journalière, je me vengerai sur elle. Non, je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Laissez-moi encore un peu de temps. Tu as de la chance. Je suis dans un bon jour. Écoute, je te donne une heure pour trouver quoi manger. Sinon... Mirette, Samson et Nimbus assistent, apeurés et impuissants à la scène. Mais soudain... voici que Nimbus, derrière ses branchages, en bougeant légèrement, a fait craquer une brindille. Et dans le silence opaque de ce lieu inquiétant, ce petit bruit résonne terriblement. Et le monstre se précipite vers les branchages, où de ses doigts griffus, il s'empare de Nimbus. Mais nous avons de la visite alors. Qui es-tu? Et que viens-tu faire sur mon territoire? Je m'appelle Nimbus. Nimbus, et je voulais traverser ce marais. Mon pauvre ami, je crois que tu ne traverseras jamais ce marais. Allez, je t'emmène chez moi. Tu vas aller tenir compagnie à Gunora, dans mon garde-manger. Quant à toi, Gunor, n'oublie pas, je reviens dans une heure. Dans ton intérêt, trouve-moi du poisson. Bête de cette contrée, moi, chacal, je règne ici sans aucun rival. Malheur à l'imprudent étranger, osant sur mes terres s'aventurer. Me nourrissant juste de poissons, je peux dévorer à l'occasion de la tendre viande de lutin et ainsi me faire un vrai festin. Qui traverse mon territoire s'expose donc au danger. Aucune clémence, pas de pitié. Je suis Chargal, maître incontesté. Et l'horrible monstre, en portant Nimbus, disparaît au détour du sentier. Samson et Mirette sortent de leur cachette et rejoignent Gnor. Fin de la troisième partie. Quelle malchance! Voici maintenant Nimbus prisonnier de ce Chargal. Que va-t-il devenir? Et que vont faire Mirette, Samson et Gnor pour sauver Nimbus et Gnora des griffes de ce monstre? Tu le sauras en écoutant sans plus attendre la suite de cette palpitante aventure, ou bien en l'écoutant, si c'est ton choix, un peu plus tard.